Katia, t'es trop belle. Que ces mots soient gravés et qu'ils t'interpellent. Je les vois te manger du regard et diront tout ce que tu veux entendre. Ça sera beau au départ, j'vais pas t'empêcher de rêver la belle histoire. Mais j'ai peur pour les cœurs tendres, les hordes de gamins vantards. Et c'est pour le carré, c'est vraiment facile. Une seule idée en tête et pour ça, crois-moi même le plus bête peut se révéler habile. Quand son père Dieu te scrute, c'est ta qui te mettra la main dessus. Et c'est de toi qu'on discute. 16 ans, ta beauté éblouie, tu rayonnes. Les mecs de ton âge butinent, promettant, s'en foutant. En plus le rock est-il, guetteront ton faux pas. La frustration rend les hommes vils, ils te louperont pas. Dans ton dos tout bas, les insultes. Tu passes tristesse, puis entre eux, regarde-moi cette pute. Le foot néant ouvert, Villiers. D'un bout à l'autre de la banlieue, les jeunes filles par milliers souffrent de grandir sous nos regards sentencieux. Licia, t'es trop belle. Licia, t'es trop belle. Licia, t'es trop belle. T'es trop belle, trop belle, trop belle, trop belle.